plus à danger, toujours Nicolo, président de Saga, Majesté DJ, le petit marabout pour toi, aïe aïe aïe, c'est fort. Willick, Willick, mon frère, Laura Manager, Romy la machine, le vieux Ibo, toujours. Celui qui saigne était seigneur, le président de Saga, du sommet de l'Himalaya, toujours. Aïe aïe aïe, c'est fort. Décalé, coupé, coupé, décalé, décalé, coupé, décalé, coupé, coupé, décalé, Ouagadougou coupé, décalé, Bamakwa coupé, décalé, Kinshasa coupé, coupé, décalé, tout le monde est coupé, coupé, décalé, décalé, coupé, Ramenia Grey, Onué, Ramenia Grey. Jeffrey DJ Prophète et premier dit Maman Sandrina, toujours Nicolo, hein.